Le porte-parole du comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a publié le 19 courant un entretien qui dit notamment « Ces jours-ci, la bande de Pakonnet diffuse de façon préméditée des bruits sur la crise sécuritaire sous prétexte de l'essai d'explosion de la juve nucléaire du Nord, événement heureux et fierté de la nation, dans le but de créer un climat favorable à la reprise du pouvoir des forces conservatrices. » Pakonnet convoque comme tous les jours des réunions dans la Maison Bleue pour y parler de l'état d'alerte et d'une guerre qui risque d'éclater dans la péninsule coréenne. Elle sème ainsi le vent de la crise au sein de la société et de la population. Elle demande aux membres du Parti pour un nouveau monde de cesser la lutte fractionnelle pour une cohésion intérieure devant les menaces nucléaires imminentes du Nord, d'une part, et d'autre part, aux forces de l'opposition de manifester l'unité des forces au pouvoir et de l'opposition pour barrer les tentatives du Nord visant la discorde intérieure. Notamment à propos de la lutte contre la disposition de SAD livrée dans tous les coins sud-coréens, elle ne cache pas ses desseins fascistes de la réprimer de façon coercitive en disant que l'action contre le SAD ne donnera que le résultat de laisser la vie et la sécurité de la population dans l'état sans défense face à la provocation du Nord, qu'il faut surveiller strictement les forces malsaines et les perturbateurs de la société. De leur côté, les bellicistes militaires crient qu'ils sont déterminés à mettre un terme au pouvoir du Nord et infliger les représailles. Ils cherchent à introduire dans la péninsule coréenne les biens stratégiques nucléaires américains et attisent d'une manière délibérée l'inquiétude des habitants sur la sécurité, comme si une guerre est imminente. Une telle témérité de la bande des conservateurs de Pakonnet est destinée à créer la répression pour la sécurité sous prétexte de la menace nucléaire du Nord, afin de se débarrasser de la crise politique extrême et de trouver l'issue à la reprise du pouvoir conservateur. Le but de Pakonnet est d'élire à tout prix le candidat qu'elle a choisi aux prochaines présidentielles de l'année prochaine pour couvrir en récompense ses crimes sans précédent de son mandat et d'obtenir la sécurité politique après son retrait. Plus loin, elle vise à se faire reine conservatrice éternelle à travers la régence. Mais l'actuelle situation coréenne évolue contrairement à la volonté de Pakonnet et on craint la pire crise, impossible de garantir l'acquittement du mandat actuel loin de la reprise du pouvoir conservateur. La rancune et l'indignation du peuple envers la traîtresse Pakonnet qui a transformé le pays en enfer vivant et en pays ténébreux du Moyen-Âge avec l'incapacité politique extrême, l'injustice et la corruption, la confrontation fratricide et le servilisme pro-américain ont dépassé la limite et s'enflamment partout dans le pays. La population de divers milieux, maîtres dignes de l'histoire nationale, doivent montrer nettement à Pakonnet qui tente la reprise du pouvoir, non avec les paroles mais avec la pratique, combien est horrible la force du peuple sensibilisé et son jugement. Toutes les forces politiques attachées au progrès et à la démocratie de la société sud-coréenne doivent savoir le dessein sournois pour la reprise du pouvoir de la bande de Pakonnet, pour déjouer catégoriquement par la lutte de masse contre Pakonnet et les États-Unis et obtenir le soutien absolu du peuple dans cette lutte juste. La situation est tendue et compliquée, mais la victoire est du côté du peuple attaché à l'indépendance, à la paix et à la réunification. Et la puissance nationale croissant de jour en jour finira par inaugurer l'avenir radieux de la réunification indépendante sur ce sol, tout en chassant de fond en comble le camp des sécessionnistes et conservateurs.